الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. 48. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى دي lorsque l'homme divorce sa femme trois fois, elle lui devient interdite et il ne pourra pas se remarier avec elle jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. شرح explication. قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع. Donc quand un homme divorce sa femme trois fois d'une manière dispatchée, c'est-à-dire qu'il la divorce, il la reprend, il la divorce, il la reprend, il la redivorce, elle lui devient interdite avec unanimité à ce sujet-là. كما لو قال أنت طالق ثم بعدها قال أنت طالق ثم قال أنت طالق أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء، لأن هذا ترتيب، فإنها تطلق وتبين منه. Donc il dit, s'il lui dit tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé, ثم قال أنت طالق أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق. يعني ça c'est la grammaire. Il fait des tartibs, c'est-à-dire que c'est comme s'il répète la chose. Il répète la chose, il la réitère. Donc elle devient taliq, tabin ou minhu, tabin. C'est-à-dire qu'elle devient ba'in. Il y a talaq al-raj'i, talaq al-ba'in. Fil fiqh. Talaq al-raj'i, c'est là où tu peux la reprendre. Talaq al-ba'in, c'est là où tu ne peux pas la reprendre. Il faut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, etc. إذا بلغت الطلقات ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. Donc si on atteint trois talaq, elle lui devient interdite à. Elle lui devient interdite jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليه ما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وكالله يدي dans le Coran سورة البقرة verset 229-230 le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Fin du verset, jusqu'à la fin du verset, puis il dit, le verset suivant, s'il divorce avec elle la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. هذا إذا كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد. Donc il dit ça c'est concernant quelqu'un qui divorce sa femme trois fois, même si c'est dans une seule et même assise, c'est-à-dire quelques instants, mais elles sont séparées. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف العطف نظرنا. Par contre, s'il lui dit tu es divorcé sans harf al-atf, donc qui fait comprendre qu'il réitère ce divorce, etc. Nazarna, il dit, Cheikh, ça demande un regard perçant. فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ التَّأْكِيدُ بِالتَّكْرَارُ فَإِنَّهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ. Si le fait qu'il a répété, c'est juste qu'il veut bien lui affirmer, lui confirmer comme quoi il le divorce. أَمَّا إِنْ كَانَ يُرِيدُ التَّأْسِيسُ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ. Par contre, s'il veut t'assister, c'est-à-dire réitérer le divorce, c'est-à-dire la divorce, il le réitère une deuxième fois, il le réitère une troisième fois, c'est pas qu'il veut lui faire entendre ou bien qu'il veut juste lui confirmer la chose, mais c'est il est réellement un sérieux sur la deuxième et troisième. إذا بلغت الثلاث الطلقات. أما إذا كانت الطلقات بلفظ واحد كأن قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا فالجمهور على أنه يقع ثلاثا وتبين به. Et il dit s'il est divorce, c'est-à-dire il la divorce à travers une seule expression, en disant tu es divorcé pour trois fois, ou bien tu es divorcé au nombre de trois. Faljumhur, la majorité des savants, ils disent que ça, c'est considéré comme étant trois divorces et elle devient ba'ina min. Ba'ina, yani, elle est séparée de lui jusqu'à ce qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, etc. Wa tahrumu alayhi hatta tankiha zawjan ghayrah, wa huwa madhhabu al-a'immati al-arba'a. Donc c'est ce qu'ont décrété les quatre imams. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وفي قول لبعض المحققين أن الثلاث بلفظ واحد تكون طلقة واحدة. Certains savants disent que le cas هذا, qu'il lui dit je te divorce au nombre de trois ou je te divorce trois fois en une seule phrase, que c'est considéré comme étant un seul divorce. والمسألة فيها خلاف طويل ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها. المسألة فيها نظر. Ça demande un regard perçant, ça demande de voir à quoi l'ahl al-ilm et les détails qu'ils ont donnés, ta'lilat. Mais il dit, yani, ce qu'on peut se limiter ici, ce qu'on est sûr, yani, c'est que quelqu'un qui divorce sa femme trois fois, elle devient interdite à lui. L'ahl al-ta'bid, ça ne veut pas dire qu'elle devient interdite à lui, abadan, c'est-à-dire à jamais. Wa innama yuharrimuha ila an tankiha zawdan ghayrah. Elle devient interdite à lui jusqu'à ce qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Thumma yutalliquha. أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. Donc il dit que cette personne elle se marie avec elle et il la divorce. Par contre, il dit le fait de rentrer dans les différentes divergences, est-ce que 3 c'est compté pour 1 ou 3 c'est compté pour 3, il dit c'est pas une, on va pas rentrer dans ce sujet au plus profond maintenant. وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة والله أعلم أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم. Donc, pourquoi l'auteur il parle de ça, alors que c'est un sujet de fiqh, de jurisprudence, qui a un rapport avec l'ahkam et le mu'amalat, parce que talaq wa zawaj min al mu'amalat, il dit tout simplement, Wallahu a'lam, c'est pour montrer que c'est un sujet important. Le mariage, c'est un sujet important qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser, حسب الضوابط الشرعية له, concernant. Ou selon ce qui est rapporté comme texte religieux et comme différentes règles à respecter. فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته. Il ne faut pas se laisser aller dans ce domaine. Et dans les إجراءات, yani c'est les différentes choses à entreprendre. مثلاً, quelqu'un qui va faire un visa, on va dire هل اتخذت الإجراءات اللازمة. Ce que tu as fait, yani, ce qu'il fallait faire, ramener tes documents, etc. هذه هي الإجراءات. ولأن الكتاب اسمه شرح السنة. أي بيان السنة في كل شيء ومن ذلك مسائل النكاح. Le livre il s'appelle Sharh al-Sunna, explication de la Sunna. Et la Sunna c'est dans tous les domaines, parmi ces domaines, le domaine du mariage. Sur quel point les quatre imams sont d'accord ? Sur le fait que al-talaq, quand il. Ce qui est en haut là. Ma'ida kan et talaqat bilaftin wahid. C'est-à-dire s'il lui dit tu es divorcé trois fois. En une phrase, il ne dit pas tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Il dit tu es divorcé trois fois. Tu es divorcé au nombre de trois. La majorité des savants disent qu'elle devient ba'ina. Ça compte pour trois fois. Et elle doit se marier avec quelqu'un d'autre. Et là, il dit Il ne dit pas tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Non, il dit en une phrase. Talaq fil jahiliya kanu yutalliqun wa yatazawwajun bila adad. Fil jahiliya, ils divorçaient autant de fois qu'ils veulent. Et ils reprenaient la femme autant de fois qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas de limite. Wa asl kalimat al-talaq min al-furs. Comme il a dit Al-Juwayni, comme il a cité Cheikh Abdallah al-Bassam dans Sharh al-Umda. Il cite que c'est un mot qui vient des Perses. Et après, les Arabes, ils l'ont arabisé, ils l'ont utilisé, le mot talaq. Sinon, à l'époque de Jahiliya, il divorçait autant de fois qu'il veut. L'islam, il est venu et il a limité adad al-talaqat pour préserver le droit de la femme. Si la femme a divorcé trois fois, là. Le nouveau mari, là, c'est une condition qui concerne le mariage en fait. Oui. Le cheikh ne l'a pas cité ici, je ne connais pas une divergence là-dessus, c'est qu'il doit consommer le mariage. Et le Nabi il a dit La'an Allah al-Muhallil wa al-Muhallala lahu. Allah il a maudit celui qui est muhallil, c'est-à-dire celui qui vient pour rendre la femme licite à l'autre. Il vient, il se marie avec elle et il la redivorce. Soit on lui a donné un rachwa ou la mablar min al-mal, soit comme ça pour rendre service. Il se marie avec elle, après il la redivorce pour la redonner à l'autre. Ça c'est tahlil. Il est maudit celui qui fait ça et celui pour qui on a fait ça. Si elle épouse le nouveau mari, qu'il a divorcé sans avoir consommé, elle est pas licite. L'inarfo anaya, il faut qu'il consomme le mariage et après il talaqa. Nikah haragba la nikah tahlil. Les savants disent nikah haragba, c'est-à-dire un mariage légitime. Il voulait vraiment se marier avec elle. La nikah tahlil. C'est pas un mariage de juste quelqu'un qui vient pour la rendre licite. Wallahu a'lam. La'allak tajid tawdihat fi kutub al-fiqh sur ce point-là. نواصلوا. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مع مقمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل دم ابن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. Donc le sang d'un musulman ne deviendra licite qu'à travers un musulman qui témoigne qu'il n'a de digne d'être adoré qu'Allah et qui témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, c'est son serviteur et son messager, si ce n'est à travers trois choses. Zinan, ba'da ihsan, quelqu'un qui a commis la fornication après l'ihsan, c'est-à-dire quelqu'un qui était muhsan, il était marié avec un contrat de mariage valide, puis il a commis la fornication. Ou murtad ba'da iman, ou quelqu'un qui a apostasié après être rentré dans l'islam et avoir eu l'iman. Ou qatala nafsan mu'minatan bighayri haqq fayuqtalu bihi, ou bien quelqu'un qui tue un croyant sans en avoir le droit, donc on va l'exterminer également. Wa ma siwa dhalika fa damu al-muslim 'ala al-muslimi haram, dans les autres cas que cela, le sang du musulman sur le musulman sera sacré et interdit abadan hatta taqum as-sa'a, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que l'heure se lève. Al-sharh ja'a bi mas'alati qatli al-muslimi ba'da mas'alati an-nikah, donc il est venu sur ce sujet là qui est l'assassinat du musulman après le sujet du mariage. Lian al-islam ja'a bi hifdh al-a'rad wa bi hifdh ad-dima, parce que l'islam il est venu préserver aussi bien l'honneur, donc c'est un sujet qui est en rapport avec talaq et nikah, le mariage et le divorce, ou bi hifdh ad-dima, qui est le sujet qu'il est en train de parler là, respecter et valoriser, honorer le sang, c'est-à-dire la personne en elle-même, ou bi hifdh al-amwal, et également hifdh al-amwal, c'est-à-dire préserver les biens et les richesses. Qala sallallahu alayhi wa sallam: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haram. رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit: vos biens, vos sangs, vos biens et vos honneurs sont sacrés entre vous, sont illicites entre vous. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Tout le musulman sur le musulman est sacré ou interdit, aussi bien son sang que ses richesses que son honneur. فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء. Donc il a parlé de l'honneur, de la personnalité, au sujet de dans le domaine du mariage et du divorce. Maintenant il parle du sang de la personne. فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله. Donc le musulman quand il témoigne des deux témoignages, ses biens, son sang deviennent licites. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حديث: أمرت أن أقاتل الناس. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a حتى يقولوا لا إله. يمانك إله كن يددين تتخدوريك الله. Lorsqu'ils prononcent cela, عصموا مني دماءهم, ils auront protégé à mon propos leur sang et leur bien, si ce n'est avec le droit de l'islam et leur jugement, un combat Allah. فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك. Celui qui publie, c'est-à-dire qui dit en public, qui fait savoir à tout le monde comme quoi il est musulman, il prononce les deux témoignages, nous accepterons cela de sa part. ونعتبره مسلما, on le considérera comme étant un musulman. ونجري عليه أحكام, ونجري عليه أحكام المسلمين, on le considérera comme un musulman et on agira envers lui comme on agit avec les musulmans. فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٍ فَإِنَّمَا هَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Si en réalité c'est un hypocrite, s'il y a dans son cœur de l'hypocrisie et en réalité c'est un hypocrite, ça c'est entre lui et Allah. Allah يحاسبه, Allah il va le juger. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام المنافقين. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a accepté l'islam des hypocrites, c'est-à-dire il s'est comporté avec eux comme on se comporte avec des musulmans. وَأَجْرَ عَلَيْهِمْ الْأَحْكَامَ الظَّاهِرَةَ, s'est comporté avec eux comme ils se comportaient avec les musulmans car ils ont fait apparaître l'islam. ولكن من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة. Car par contre quelqu'un qui met en œuvre un annulant parmi les annulants de l'islam, quelque chose qui engendre qui devient apostat, on le considérera comme étant un apostat. فإن تاب وإلا قتل حماية للدين. Soit il se repent, soit il sera tué. حماية للدين, pour protéger la religion. هذا أول مبيحات دم المسلم. Voilà le premier cas où le sang du musulman devient licite. C'est-à-dire il devient apostat, il sort de sa religion. من بدل دينه فاقتلوه. والثاني من مبيحات دم المسلم القصاص. النفس بالنفس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Sourate Al-Baqarah, verset 178 et 179. Sourate 2, verset 178-179. Donc il dit le qisas, qui est donc la loi du talion. Tu tues une âme, on te tue également. Allah il dit dans le Coran, dans le verset qu'on a cité, 178-179. Oh les croyants, vous a prescrit le talion, sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon, doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc quiconque, après cela, transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Ô vous, doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. Al-Qisas yusabbibu al-hayat ma'annahu qutil. Le Cheikh dit que Qisas, la loi du talion, engendre la vie. Allah dit, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Alors qu'on doit tuer la personne qui a commis le meurtre. Pourquoi ? لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل. L'assassin, quand il sait qu'il va être tué par la suite, s'il assassine quelqu'un, il va s'abstenir de cela. والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسك عن القتل فتحقن بذلك الدماء. Les gens, quand ils voient que l'assassin il va être tué par la suite, أمسكوا, يعني ils s'abstiennent de tuer. فتحقن, تحقن, c'est-à-dire vont être préservés les sangs. C'est-à-dire, il y a Hayat al-Nas. Le verset, c'est, il y a une preuve que la parole de la victime, il peut pardonner au meurtrier ? Bien sûr. Malgré qu'il a fait volontairement ? Oui. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Et ce verset aussi, l'utilise les savants pour dire que Al-Qatl, c'est pas du kufr. Parce qu'Allah dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ, de son frère. Donc ça montrerait que il n'aura pas dit son frère si c'est la mécréance, si il serait sorti de l'islam. Donc les parents victimes disent pardon, il n'y a rien, ni peine de mort, ni prison. Non. القصاص سبب لبقاء الحياة وإن كان يقتل فيه المقتص منه فهو قتل يؤدي إلى الحياة البقية من ال إلى حياة البقية من المجتمع. فالقصاص نكدي لطاليون c'est une cause qui engendre que la personne restera en vie même وإن كان يقتل, même si la personne المقتص منه, donc la personne qui est assassinée, elle va être tuée, donc c'est une âme en moins. فهو قتل يؤدي إلى حياة البقية من المجتمع. يعني tu tues une personne et tu préserves la vie du reste de la société. ويقل التعدي على الدماء. Les gens vont craindre le fait de transgresser dans ce domaine et de s'adonner au sang des gens. أما أن يترك القاتل ويقال هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويترك ولا يقتل فهذا يسبب سفك الدماء. Il dit par contre le fait de délaisser l'assassin en disant ça c'est contraire aux droits de l'homme. Et yutrak wala yuqtal, on le laisse, on le tue pas. Ça engendre que le sang des gens va couler. Les gens ils vont partir, ils vont être yani assassinés, tués, à tort et à travers. Wartilal al-amn, il y aura plus de sécurité. Watarwi' al-aminin, les gens qui sont en état de sécurité et sérénité, ils vont être yani terrifiés et effrayés. Tarwi' yusabbibu mafasida kathira, il y a beaucoup de méfaits derrière cela. Wa yukthiru al-qatla wa tustashatu ad-dima. Wa tustashatu ad-dima. Tustashat. Un des kalima, je ne sais pas c'est quoi. la noter. On a entendu ça. Non. On a entendu ça. Quand il y a des chartes, il y a des trucs en plus. Non. On dirait que ça aurait été sens, tu vois. حتى في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل. مام في الجاهلية الإبوكي أنتي إسلاميك يديس كو القتل le fait d'assassiner, de tuer, c'est, ça va plus préserver, ça va plus renier, rejeter l'assassinat. C'est-à-dire quand tu tues une personne, les gens ils vont tirer exhortation de cela, ils vont tirer leçon, ils vont pas s'adonner au fait de tuer à tort et à travers comme si jamais tu tuerais pas la personne. القتل قتل المجرم أنفى للقتل في المستقبل. Le fait de tuer le criminel Hada qui a tué une autre personne, ça va engendrer qu'il y aura préservation du sang par la suite. وفي هذه وفي هذا الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والذين يقولون القصاص يتنافى مع حقوق الإنسان نقول لهم والمجني عليه أليس إنسانا أفي ففي الاقتصاص له حماية لحقه. الشيخ dit que ceux qui disent que la loi du talion c'est totalement contraire aux droits de l'homme. Le cheikh dit, nous répondons à cela, c'est-à-dire celui qui a subi la transgression, celui qui a été assassiné. N'est-il pas un homme? Est-ce que celui, c'est pas un homme qu'il faut préserver son droit? Et ça fait partie de son droit, le talion, qu'il exige qu'on préserve son droit et qu'on tue la personne qui l'a assassiné. والثالث من الذين يباح دمهم, le troisième, c'est الثيب الزاني. والثيب هو الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح. Thayyib, donc celui qui a été marié par un mariage valide et qui a eu des rapports avec sa femme avec à travers un mariage qui est valide. فَإِذَا زَنَا فَإِنَّهُ يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتُ. Lorsqu'il commet la fornication, on va le lapider avec les cailloux jusqu'à ce qu'il meure. وَيَحِلُّ دَمُهُ بِذَلِكَ. Et son sang, il deviendra licite à travers cela. فَهَذِهِ هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي يُسْتَبَاحُ بِهَا دَمُ الْمُسْلِمِ. Donc à travers ces choses-là, le sang du musulman va devenir halal. Imma al-qisas, al-nafs bin-nafs, wa imma zanin ba'da al-ihsan, wa imma al-murtad. Donc les trois qu'on vient de voir à l'instant. Alladhi yartakibu naqidan min nawaqid al-islam, qala sallallahu alayhi wa sallama, man baddala dinahu faqtuluhu. Rawah al-Bukhari fi sahihihi an Ikrimah qala, utiya aliyun radiyallahu anhu bi zanadiqa, fa ahraqahum, fa balagha dhalika ibn Abbas, fa qala law kuntu ana lam أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعذبوا بعذاب الله ولقتلهم ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم. أتي علي بزنادقة. On a fait venir des زنادقة à Ali. لا لا زنادقة الزنديق هو من بلغ في الكفر غايته. On avait vu ça dans Risalat Sheikh Abdussalam. C'est celui qui atteint la mécréance, le summum. Et le maqsoud bihim huna, c'est ceux qui ont exagéré fait Ali radiyallahu anhu. Et quand il les a brûlés, ils ont dit al-an arafna annaka ilah. Maintenant on est sûr maintenant que tu es une divinité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar. Ne châtira par le feu que le feu. Ankar Ali ibn Abbas. Ibn Abbas il a réprouvé comme il a, dans le récit là. Il lui a dit ne fais pas les châtier par. L'enfer. C'est là qu'Ali radiallahu anhu il a dit لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا c'est quelqu'un qui travaillait pour lui. Il a dit quand j'ai vu que la chose elle a atteint le summum, il y a dans le munkar, j'ai attisé le feu, j'ai appelé qanbara. C'est Taïfa min, j'ai pas le nom là qui me vient en tête, Taïfa min Rafida qui l'a brûlé comme ça. Vous avez dit que ça donne la force aussi. Non, ça donne la force. Kalima l'asl taha, je sais pas. لا لا وين نعرفه؟ لازم حديث في هذا الحديث تارك لدينه الحديث نعم طيب. وفي هذا الحديث والتارك لدينه المفارق للجماعة والتارك لدينه المفارق للجماعة Et dans ce hadith là, celui qui délaisse donc sa religion et qui délaisse ou qui se détache du groupe Rawah al-Bukhari wa Muslim عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة مستدلين بقوله تعالى لا إكراه في الدين. Il y a là dessus une réplique sur ceux qui réprouvent حد الردة, la sentence de l'apostasie que ma prêcheur de Kabbal, مستدلين بقوله تعالى, en utilisant le verset لا إكراه في الدين. Ils utilisent ce verset pour dire que tu ne peux pas obliger les gens à rentrer dans la religion. لا إكراه في الدين, il n'y a pas de contrainte en religion. وهذا الاستدلال خطأ لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين. Il dit c'est complètement faux et c'est mettre des textes qui sont pas à leur place. Les mains, parce que le fait de tuer l'apostat, ce qui est voulu ici, c'est pas le fait de le forcer à rester dans la religion. وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياره. C'est pour préserver la religion. C'est pas pour préserver cette personne en elle-même. C'est pour préserver la religion, pour pas que les gens, ils rentrent, ils sortent de la religion comme ils veulent. Imman dakhala fihi bi-ikhtiyari, quelqu'un qui rentre dans la religion avec son propre choix. Yani il choisit cela, etc. de bon gré, après il sort. Thumma tarakahu ba'dama shahida anna ad-din haqq, témoigne que la religion est la vérité, puis il en ressort. Qawluhu wa la yahillu damu imri'in muslim, ça on l'a vu à la fin des trois fondements, les trois aqwal, les trois paroles qu'il y a sur ce verset-là. Ta'ifa min ahl al-ilm disent que le verset il est mansoukh bi ayat al-jihad. Les versets qui sont nés sur le djihad, ils ont abrogé ce verset. Raji'u kalam Cheikh Salah Fawzan. Hadha la ikraha fi ad-din. Trois paroles, les dit tout à la fin du livre. Qawluhu wa la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah. Il n'est pas autorisé, yani le sang d'un musulman ne deviendra pas licite, un musulman qui témoigne qu'il n'a dit d'être adoré qu'Allah. Muslim huwa alladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Muslim, celui qui témoigne qu'il n'a dit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Lakin la budda ma'a ash-shahadatayn min al-amal. Mais il faut impérativement, avec les deux témoignages, il faut agir. Il faut œuvrer. Bien tuqi bien yuqima bien yuqima. Bien yuqima. بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا لا بد من العمل. Donc الشيخ il a cité les 5 piliers de l'islam. Après shahadatain, les 4 piliers, faire la prière pour donner la zakat, il faut jeûner le mois de Ramadan, il faut faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les capacités, bien sûr, chaque chose avec ses conditions qui vont avec. قوله وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام ابدا حتى تقوم الساعه. Autre chose que cela, autre chose que ces trois points là, le sang du musulman sur le musulman restera interdit et sacré jusqu'à la levée de l'heure. دم المسلم على المسلم حرام ولا ياتي وقت يباح فيه دم المسلم ابدا. Ne viendra pas un temps où le sang du musulman deviendra licite. Yani c'est des lois qui sont à l'absolu jusqu'à la fin des temps. اللهم الا إذا اعتدى أو صالع على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بغى على ولي الأمر أو غير ذلك فهذا يقتل دفعا لشره إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. Donc il dit اللهم إلا, c'est-à-dire pour mettre une exception, si vraiment quelqu'un qui اعتدى أو صالع على الناس, quelqu'un qui se permet des choses, il transgresse sur les gens ou se permet de se pénétrer chez les gens, et أو قطع الطريق, quelqu'un يقطع الطريق, c'est-à-dire les brigands. Sal, c'est quelqu'un qui s'introduit chez les gens. Ou bagha ala wali al-amr, quelqu'un qui fait partie de l'bourat, ceux qui transgressent sur al-hakim et qui cherchent à se rebeller, ou autre chose. هذا aussi également faudra l'exterminer, on pourra l'exterminer دفعا لشره, pour repousser son mal, si jamais on ne peut repousser son mal que à travers cette manière là. On a vu dans l'Arba'in le sharh al-hadith al-rabi ashar, hadith Abdullah ibn Mas'ud kalam Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, dans le fawaid il a cité le nombre de cas ou le nombre de choses à rajouter où tu peux il y a la peine yani de mort où tu peux exterminer la personne pour un musulman. C'est terminé. Donnez-moi un autre mot. Exécuter. Exécuter, ouais. C'est terminé, c'est tu liquides tout le monde. Je suis comme un adultère après contrat de mariage, c'est aussi après consommation, non? Hé! Hey. Si c'est un contrat. Sinon, il n'est pas mohsan. Quelqu'un qui s'est marié, bi aqd sahih, comme l'a dit le cheikh ici. العبارة التي جاء الشيخ exact. الثيب الزاني والثيب هو الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح. Quelqu'un qui a eu des relations à travers un mariage valide. فهمت؟ الثيب الزاني. الثيب من تزوج بنكاح صحيح. الزاني معروف. ولو كان يكون طلق مثلا. ولو. ولو. Non, fornication sans consommation, c'est il reste comment ça s'appelle? Il reste justement. Bikr. Tariq Ramadan. Il a dit ça prouve que une fois ils étaient mécréants, après ils sont devenus musulmans, après ils sont devenus mécréants, donc on les a laissés faire ça, tu vois. Ça prouve que l'Afrique a été mécréant jusqu'à aujourd'hui. Si Boukhari a dit le sahih, le musulman a dit le sahih, alors c'est pas bon alors. Il faut les deux ou la rien. Le hadith est important, le hadith 14, le 40. Salah al-Sheikh aussi l'a bien expliqué. C'est le fark bien hada ou hada. Si vous voulez une plus d'informations, relisez ce qu'il a dit. Sur le farq bain sur tayyib al-zani wach maana et fawaid cheikh Abdou Salabad sur les autres cas où tu peux exécuter la personne. قال المؤلف رحمه الله وصل حسين قال المؤلف رحمه الله وكل شيء مما اوجب الله عليه الفناء يفنى الا الجنه والنار والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوحة ليس يفنى شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير يقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا الأوتور رحمه الله دي toute chose à propos de laquelle Allah il a écrit qu'elle a une fin, elle a une fin, sauf le paradis, l'enfer, l'arche, le trône, le kursi, le repose-pied, le sour, la trompe, le qalam, la plume, le lawh, c'est la tablette préservée. Toutes ces choses-là sont des créatures, mais elles n'ont pas de fin. Puis Allah, Allah va ressusciter donc les créatures à la ma amatahum alayhi yawm al-qiyamah, sur l'état sur lequel ils sont morts au jour de la résurrection. Et il va donc les juger conformément à ce qu'il veut. Une partie d'entre eux seront voués au paradis, une partie d'entre eux seront voués à la fournaise. Et il dira à toute la création et toutes les créatures voilà qu'il a créées mais qui ne sont pas voués à rester, maintenant les animaux, il va leur dire soyez poussière ou soyez terre, etc. الشرح وقوله وكل شيء مما أجاب الله عليه الفناء يفنى. Toute chose à propos de laquelle Allah il a prescrit la fin, comme qu'elle aura une fin, elle a un début et elle aura une fin. Elle aura une fin. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن سورة 55 versets 26 et 27. Tout ce qu'il y a sur la terre doit disparaître. Seul subsistera la face wajh de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Kullu al-khalqi yafnauna wa la yabqa illa Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la créature va périr. restera que Allah subhanahu wa fi qawlihi subhanahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah dit toute âme goûtera la mort. Surat 3, verset 185. Aya hadi waradat fi adad min as-suwar. Dans nombre de surat, elle est citée ce verset. Il est cité ce verset. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala wa nufikha fi as-suri fa sa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah. Allah dit dans surat az-zumar, surat 39, verset 68, معna illa man sha'a Allah qalu ma'naha al-mala'ika aw al-hur fi al-janna wallahu a'lam. ذكره البغوي في تفسيره عن الضحاك رحمه الله تعالى. Donc il dit le verset, et on soufflera dans la trompe et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyeux sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Le cheikh dit illa man sha Allah, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Ils ont dit le sens c'est les anges ou bien les houri au paradis. Hur al-'ain a cité ça l'imam al-Baghawi rahimahullah dans son tafsir selon al-Dhahhak rahimahullah ta'ala wallahu a'lam. Fa kullu al-khalq yamutun thumma yub'athun yawm al-qiyamah. Toutes les créatures vont mourir et vont être ressuscitées le jour de la résurrection. Thumma innakum ba'da dhalika lamaytun thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun. Allah dit dans sourate Mu'minun verset 15 et 16. Puis après cela, donc après la création kada, ba'da dhalika lamaytun, après cela vous allez mourir et après cela le jour de la résurrection vous allez être ressuscité. فيتذكر المسلم الموتى صح خطأ فيتذكر المسلم الموتى ويستعد له بالأعمال الصالحة. Personne musulman doit se rappeler de la mort et se préparer à travers de bons actes. ويسأل الله حسن الخاتمة, demander à Allah la bonne fin. ويتوب من السيئات, se repentir des mauvais actes. وهذه فائدة تذكر الموت. Et voilà le profit qu'il y a dans le fait de se rappeler de la mort. إِذَا تَذَكَّرَ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ يَسْتَعِدُّ لَهُ. S'il se rappelle de la mort, il se prépare à l'affronter. وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَكَّرُوا هَذِمَا اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّكُمْ لَا تَذْكُرُونَهُ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ وَلَا فِي قَلِيلٍ إِلَّا كَثَّرَهُ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَغْفُلَ عَنِ الْمَوْتِ بَلْ يَتَذَكَّرُ الْمَوْتَ دَائِمًا وَأَبَدًا ويستعد له. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit rappelez-vous de هذه اللذات, c'est-à-dire ce qui coupe les délices, ce qui coupe le plaisir, الموت, la mort. Car فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قللا, vous n'allez pas l'évoquer dans quelque chose que vous considérez comme étant grand sans qu'il le rend petit. Celui qui sait. Quelqu'un s'exterminer ou l'exécuter. Il y a une chose qui est grande. Maintenant, la dunya auprès de toi, elle est grande, elle a de la valeur. Quand tu te rappelles de la mort, la dunya, elle devient petite, sans valeur. Voilà, qalilin illa kathara. C'est-à-dire, je ne vois pas exactement ce que je veux dire. Je vais avancer, je vais demander, Inch'Allah. Je pense que c'est le contraire, mais c'est mieux. فلا ينبغي المسلم أن يغفل عن الموت. C'est-à-dire قليل إلا كثرة. Même l'amal salih que tu vois que c'est petit, là tu vas le voir comme étant quelque chose de grand. Yani tasbih, peut-être tu vois que c'est petit, quand tu te rappelles de la mort, tu considères cette chose-là comme étant grande. Mais on laisse entre parenthèses حتى نسأل أهل العلم. فلا ينبغي المسلم أن يغفل عن الموت. Musulman n'est pas censé être insouciant sur la mort, mais il doit se rappeler de cela tout le temps et à jamais. Et se préparer à cela. ويؤمن بالبعث ويوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. Croire au jour de la résurrection. Le jour où les gens vont sortir de leur tombe pour se lever devant le Seigneur de l'univers. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Puis on soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. تعود إليهم الأرواح بعد إعادة أجسامهم من قبورهم. Donc les âmes vont reprendre leur corps respectif dans les tombes. ثم يساقون إلى المحشر, puis vont être conduits à la résurrection. إلى آخر ما يلاقون في الآخرة من الأخطار التي يمرون بها. Jusqu'à ce qu'on a vu, ce qu'on verra aussi par la suite, des différents dangers, des différents moments par lesquels le muslim et le muslim vont passer par. إلى أن يستقر بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار فإن الجنة والنار هما دارا Huma darul qarar. Donc certains vont aller au paradis, certains vont aller en enfer. Et le paradis et l'enfer sont la demeure de la stabilité. Qawluhu illa al-jannata wal-nar wal-arsh wal-kursi. Il y a toutes choses à propos de laquelle Allah il a décrété qu'elle aura une fin, elle aura une fin, sauf l'enfer, مثلاً, le paradis, l'enfer, l'arche, le kursi, tout ça, c'est des makhloukats, mais ils n'ont pas de fin. فَإِنَّهُمَا لَا فَإِنَّهُمَا لَا تَفْنَيَانِ وَلَا تَبِيدَانِ. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de fin. Elles n'ont pas de fin, elles sont éternelles. مثلاً, هنا, il parle du paradis et de l'enfer. خَلَقَهُمَ اللَّهُ لِلْبَقَى. Allah il les a créés pour éterniser. Wa amma as-samawati, il parle de l'enfer et du paradis. Wa amma as-samawati wal-ard fa innaha tubaddal. Concernant les cieux et la terre, elles vont être changées. Mais là il dit la tafnayan, elles n'ont pas de fin. Et la tabidan, c'est pas là à jamais. Non? Si, la tabidan, c'est-à-dire que c'est comme la tafnayan, c'est-à-dire qu'elles sont là à jamais. Ah ouais? Je crois que ça veut dire elles sont pas là à jamais. La tafnayan ou la tabidan, elles n'ont pas de fin, elles seront là à jamais. C'est ça que ça veut dire. Tabidan, ça veut dire bada. La tabid. La tabid, Wallahu alam, c'est Kainaf Tahawiya. L'imam Tahawi, il a cité une phrase comme ça. Tahawiya, Mutarjama, si tu regardes dans Tarjama ou Fidna, Inch'Allah. Comment ils l'ont traduit, là, frère, de Melektaas, édition Sabil. Allah les a créés pour éterniser. Par contre, les cieux et la terre, elles vont être changées. Tatafattaru as-samawat wa tatashaqqaqu al-ard. C'est-à-dire qu'elles vont être enchiqaq, voilà, fendues. Elles vont s'ouvrir, déchirées. Wa yataghayyaru hadha al-'alam. Cet univers-là va totalement changé. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Allah dit dans le Coran, Sourate Ibrahim, في سياق القيامة, au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. أما العرش فإنه لا يتغير والجنة والنار لا تفنيان ولا يتغيران. Il dit concernant le trône, il ne changera pas, le paradis et l'enfer n'ont pas de fin et ne vont pas changer. Wa al-kursiyyu wa huwa dun al-arsh. Al-kursi donc, c'est pas al-arsh. Al-kursi, il est moindre que l'arsh, il est plus petit. Wa al-arshu akbaru minhu. Le trône, il est plus grand que le kursi. Wa al-kursiyyu wasi'a as-samawati wal ard. Al-kursi lui seul donc son kursi, même là dans la traduction ils ont mis son trône, donc c'est faux, c'est pas trône, repose-pied, comme il a dit Ibn Abbas, déborde les cieux et la terre. Le kursi déborde les cieux et la terre. Wal-arshu awsa'u min al-kursi. Et l'arche, il est donc plus grand que le kursi. Qawluhu as-suru, as-suru alladhi huwa al-qarn, alladhi ma'a al-malak Israfil. Donc as-sur, la trompe, qui est avec al-qarn, donc c'est le bouq, c'est le la trompe tout simplement, qui est avec l'ange Israfil alayhi salam. Yanfukhu fihi al-arwah. Donc il va yanfukhu fihi bil-arwah. Il va souffler à travers la trompe pour que les âmes elles reprennent leur corps. Fatatiru al-arwah ila ajsadiha. Donc les âmes vont reprendre leur corps respectif. Fatahya bi-idhnillah, et vont retrouver la vie. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قوله والقلم واللوح اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير القلم واللوح la plume et la tablette préservée اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير la plume à travers laquelle Allah il a écrit la destinée et يعني ce qui va y avoir إلى أن تقوم الساعة قوله ليس يفنى شيء من هذا أبدا. Toutes ces choses-là n'ont pas de fin. هذه الأشياء التي خلقها الله للبقاء والعرش والكرسي. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن مقاتل في تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه القصص. يعني الحيوان خاصة من أهل السماوات والملائكة ومن في الأرض وجميع الحيوان ثم تهلك السماء والأرض بعد ذلك لا تهلك الجنة والنار وما فيها ولا العرش ولا الكرسي. قال والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والأرواح إذا خلقت فإنها لا تفنى. Donc toutes ces choses-là, le trône, le kursi, le repose-pied, le louh, la tablette préservée, le qalam, la plume, le jannah, le paradis, le nar, l'enfer, ou l'arwah, arwah, les âmes, إِذَا خُلِقَتْ فَإِنَّهَا لَا تَفْنَى. Elles n'ont pas de, elles ont un début, mais elles n'ont pas de fin. قَوْلُهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَى مَا أَمَاتَهُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي على ما أماتهم عليه من كفر أو إيمان كل يبعث على عمله. Chaque personne va être ressuscité selon ce sur quoi elle est morte. Elle est morte sur la mécréance ou elle est morte sur l'iman, selon ses actes, selon ses agissements. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة. قد جاء الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات. Le fait de croire en Allah au jour dernier, c'est venu dans nombre de versets et dans nombre de hadiths également. والبعث هو إعادة الناس أحياء بعد موتهم. La résurrection, c'est le fait de faire revivre les gens après leur mort. في عالم الآخرة يحيون في الدنيا لأجل العمل. Ils vont vivre ici-bas, ils vivent ici-bas pour œuvrer. ثم يموتون ويدفنون في الأرض ويبقون فيها إلى ما شاء الله في محطة انتظار. في محطة انتظار وهي دار البرزخ. Donc, les gens œuvrent, puis meurent, puis sont enterrés sous terre, et ils restent sous terre. في محطة انتظار. C'est quoi le محطة? Station d'attente. Fizar al-Barzakh. Donc, al-Barzakh, c'est une barrière en fait. C'est un intermédiaire ou une barrière qui est donc al-Qubur, qui est les tombes. Al-Fasila bayna ad-dunya wal-akhirah, qui est une demeure entre la vie ici-bas et la vie dernière. Thumma yub'athuna min hadhihi al-Qubur. Ils vont être ressuscités de ces tombes. Wa yaqumuna minha ahya'an kama kan. Ils vont sortir de leur tombe vivants comme ils étaient auparavant. La yadi'u min khalqihim shay. Il n'y a rien qui va être perdu ou avili. ثم تعاد الأرواح في أجسادهم ثم يساقون إلى المحشر. Donc leurs âmes vont reprendre leur corps et ils vont être يساقون إلى المحشر, ils vont être conduits à المحشر. للجزاء على أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر. Pour être récompensés selon leurs actes qu'ils ont œuvré ici-bas, bien soit-il ou mauvais. ولا تجزون bon soit-il ou mauvais. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Vous ne serez récompensé que selon ce que vous œuvriez. Surat Yassin, surat 36, verset 54. فَلَا أَحَدَ يُجْزَ خَيْرًا بِعَمَلِ غَيْرِهِ أَوْ يُعَقَبُ بِعَمَلِ غَيْرِهِ. Personne ne sera rétribué bien en bien pour un acte de quelqu'un d'autre. Et personne ne sera puni, donc mal, une mauvaise récompense pour un acte de quelqu'un d'autre. Allah dit dans plusieurs versets, dans surat Najm, dans surat Al-An'am, dans surat Al-Isra et d'autres. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. الأنعام سورة 6 verset 164. كل يجازى بعمله خيره أو شره. وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. لا يتركهم بدون جزاء. Donc c'est la justice d'Allah et l'équité qui va apparaître. Ils ne laissent pas les gens sans récompense. وقد أتعبوا أنفسهم في هذه الدنيا بالأعمال والعبادة إن كانوا من الصالحين. يعني se sont fatigués ici-bas à œuvrer s'ils faisaient partie des gens pieux. Ou at'abu anfusahum wal 'iyadu billah bil kufri wal shirki wal fisqi wal ifsadi fil ard in kanu min al kafirin. Et ils se sont également fatigués ici-bas à travers la mécréance, le polythéisme, la débauche et la corruption sur terre s'ils faisaient partie des mécréants. La yatrukuhum biduni jaza. Allah ne va pas les laisser sans récompense. Chacun va prendre ce qu'il mérite. Hadha 'adullah jalla wa 'ala. Fa hadha ma'na qawlihi ta'ala huna anna kull ahad yujza bi'amalihi. C'est-à-dire chaque personne va être attribuée selon ses actes. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَمَلِهِ مَا دَامَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ فَمَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّدُ مِنْهُ وَمَا كَانَ شَرًّا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَيَتَخَلَّصُ مِنْهُ. Donc, ce qui est bon, la personne doit faire ses comptes et voir avant d'être jugé ici-bas comment il agit. Si c'est bien qu'il agisse de la sorte et qu'il s'approvisionne de ses actes, et si jamais c'est mauvais, qu'il se repente et qu'il délaisse cette voie-là. Madame ذلك ممكنا. Tant que c'est possible. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Sens du verset, vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun regarde ce qu'elle a avancé pour le lendemain. Surat al-Hashr, verset 18. Surat 59, verset 18. حاسب نفسك في هذه الدنيا قبل الحساب. حاسب نفسك على أعمالك وانظر فيها فأصلح ما فسد منها وزد على ما كان فيها من خير وتنبه من الغفلة. هذا هو المطلوب من الغافل من العاقل. نعم يعني دي réveille-toi et regarde ce que tu es en train de faire. Si tu es insouciant, retrouve la raison. Et c'est ainsi que doit agir quelqu'un qui a la raison. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت هذا هو العاقل. والعاجز من أتبع نفسه هواها وفي هذه الدنيا في هذه الدنيا وتمنى على الله الأماني. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه الحاكم في المستدرك على الصحيحين والبغوي في شرح السنة وغيرهم من حديث الشداد بن أوس. الحديث صححه الحاكم وحسنه الترمذي والبغوي فيما أذكر ضعفه الألباني في رياض الصالحين. دونك يدي الكيس يعني العاقل لو سونس لي جوست لكن إسناد الشيخ يقول أنه ضعيف والله أعلم. C'est-à-dire l'intelligent, celui qui a la raison, qui est éveillé. Man dana nafsahu yani hasabaha. Malik yawm al-din yani malik yawm al-hisab. Man dana nafsahu, c'est-à-dire celui qui fait ses comptes à sa propre âme. Wa amila lima ba'da al-maut, et qui l'œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Hadha huwa al-aqil. Wa al-ajizu, l'incapable, man atba'a nafsahu hawaha. Celui qui suit sa passion. Il fait en sorte que son âme, elle suit sa passion. Fi hadhihi ad-dunya wa tamanna 'ala Allah al-amani. Après, il souhaite des choses. J'aimerais cela, j'aimerais cela, j'aimerais cela, alors qu'il n'a rien fait. يريد الجنة ويريد النجاة وهو لم يعمل شيئا فهذا عاجز والعياذ بالله. Donc il dit il veut le paradis et il veut être sauvé mais il a rien fait. Celui-là c'est un incapable. العجز المذموم. وليس عاجزا العجز الحسي الذي لا يقدر أو لا يستطيع معه العمل. Il dit ce qui est voulu ici c'est l'incapacité, yani qui est mauvaise, l'incapacité. L'incapacité si tu veux au sens abstrait ou figuré. C'est pas l'incapacité de quelqu'un qui n'est pas capable de œuvrer. Comme on dit مثلاً فلان عاجز عن الحج. Quelqu'un il est incapable d'aller au hajj. Il peut pas faire les différents piliers, les différents actes qu'il peut faire parce qu'il est trop faible ou trop vieux, etc. C'est pas ça qui est voulu, mais c'est quelqu'un qui n'œuvre pas, qui est un incapable. هذا لا يؤاخذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Car celui qui n'est pas capable d'œuvrer par faiblesse, par cadre, هذا لا شيء عليه. Il sera pas jugé sur quelque chose dont il n'a pas les capacités de faire. Dans le dernier verset de Al-Baqarah. الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن هذا قادر مستطيع لكنه عجز عجز الكسل. Il dit là dans le hadith ou dans l'athar ou bien dans le récit قادر. Cette personne là elle est capable d'agir mais elle est incapable, c'est à dire que elle a laissé la paresse s'emparer d'elle. وعدم المبالات عدم المبالات, c'est à dire que tu accordes pas de l'importance, tu accordes pas de l'importance à cette chose là, هذا هو العاجز. ومع هذا يتمنى أن يكون في الآخرة من أهل الجنة بدون عمل. Malgré cela, il dit j'aimerais être parmi les adeptes du paradis ou كذا. Sans acte. لا يمكن أن يكون هذا من أهل الجنة بدون عمل. Ça se peut pas. يعني c'est les deux choses ne vont pas ensemble. قوله ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير. Allah va les juger comme il le veut. Certains au paradis, certains dans la fournaise. يحاسبهم على أعمالهم سبحانه وتعالى. الحساب هو المناقشة على الأعمال. حساب, jugement, les comptes selon les actes. فالناس على أقسام. Les gens sont de différentes catégories. La première من المؤمنين من لا يحاسب فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Il y en a qui vont entrer parmi les croyants au paradis sans jugement ni châtiment. ومنهم certains من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض. Il y en a qui vont avoir un jugement qui est facile, simple, c'est-à-dire l'exposition des actes. Tu as fait kada, tu as fait kada, tu as fait kada. ومنهم من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب عذب. رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. Il y en a avec qui on va dialoguer sur leurs actes. فيه نقاش. Et celui من نوقش الحساب عذب. Celui-là sera châtié. والعياذ بالله. والكافر لا يحاسب حساب موازنة وإنما يحاسب حساب تقرير. Le mécréant, on va pas lui faire son jugement dans le sens que on essaie de voir les bons actes qu'il a et les mauvais, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus lourd. Mais on va lui faire son jugement d'une manière de lui faire reconnaître ce qu'il a fait. بأن يطلع على أعماله وكفره وشركه ليقر بذلك ولا يسعه الإنكار أبدا ثم يدفع به إلى النار. Donc il dit, le mouchrik et le kafir, on va lui faire reconnaître ses actes, tu as fait kada, tu as fait telle chose, il ne pourra pas réprouver cela. Puis il va être jeté en enfer. فريق في الجنة وفريق في السعير وهذا مأخوذ من الآية. Le verset dans Sourate Shura وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. سورة الشورى سورة 42 verset 7. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. الله يدي pour que tu avertisses أم القرى يعني مكة et ce qu'il y a autour et tu avertisses du jour du rassemblement. Il n'y a pas de doute sur son caractère effectif. Yani c'est quelque chose qui va se passer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Une partie sera au paradis, une partie sera dans la fournaise. Fariqun fil janna wa hum ahlul iman wa fariqun fil sa'ir wa hum ahlul kufri wa tughyan. Certains au paradis, ce sont les adeptes de l'iman. Et certains dans la fournaise, ce sont les kuffars et ceux qui ont transgressé. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaqulu li sa'iril khalq mimman lam yukhlaq. Il baqa kunu turaban. Yab'atullahu al khala'iq yawm al qiyama al adamiyyin wal baha'im wal tuyur. Allah va faire revivre toutes les créatures. Jour de la résurrection, ni les humains aussi bien que les animaux, les oiseaux. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلينا مرجعكم ثم إلى ربهم يحشرون. الله يجد في القرآن سورة الأنعام سورة 6 verset 38. Nul bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre puisse vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Wa qala ta'ala wa idha al-wuhush hushirat. At-Takwir, sourate 81, verset 5. Et le jour et les bêtes farouches rassemblées. Quand le soleil sera obscurci, il en qala et les bêtes farouches rassemblées. Tuhsharu al-khala'iq yawm al-qiyamah min ajli iqamati al-'adl baynaha. Il y aura même la justice entre les animaux eux-mêmes. Hatta yuqtassu لبعضها من بعض والبهائم يقتص لبعضها من بعض يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني يقتص vient de القصاص, c'est-à-dire que on va rendre le mal et la transgression qu'une bête a fait à une autre. حتى يقاد من بعض يقاد للشاة الجلحاء, c'est-à-dire la bête qui n'a pas de corne, on va lui rendre ou bien elle va yuqtassu laha min ash-shat al-qarna, c'est-à-dire la bête qui a des cornes, qui a frappé une qui a pas de cornes, elle va yani la justice elle va être établie. Thumma idha iqtassa li ba'dihi min ba'd yaqulu Allahu jalla wa ala laha kuni turaban. Quand les comptes vont être faits également entre les animaux, Allah il va leur dire soyez turab, soyez poussière ou soyez terre, poussière plutôt, li'annaha lam tub'at lil baqa fi al-akhirah. Car ce ne sont pas des créatures à qui Allah il aura prescrit le fait d'être éternel dans la vie dernière. Elles ont été ressuscitées juste pour que chacun reprenne son droit. Tout ça, ça fait partie de l'équité d'Allah complète. Cet instant, le kafir, le mécréant, dira malheur à moi ou hélas si j'avais été poussière. Surat 78, verset 40. إذا قيل للحيوانات كوني ترابا يتمنى الكافر أن يكون مثلها. يعني quand le kafir va voir cela, les animaux, يعني comment ils vont, leur حساب va être simple. Il va dire j'aurais aimé être تراب, comme ils ont cité طائفة من أهل العلم sur تفسير هذه الآية. واضح. On s'arrête là, Inch'Allah. Et on ira la semaine prochaine. C'est bien. Continue. هذا والله تعالى أعلى وأعلم عز وأحكم وأكرم وأعظم وجل وأرحم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.